إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on va commencer, Inch'Allah, le cours aujourd'hui. C'est le cours numéro 10 dans l'explication du livre Zajr al-Mutahawin, Bidara li qa'idat al-ma'zirat wa al-ta'awun. Et c'est encore toujours la position des, ou bien le manhaj des salafs face à la divergence. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va aborder d'autres sujets et on va clarifier encore plus inshallah les détails au sujet de la question des divergences et de la position qu'on doit adopter face à ces divergences là et c'était quoi le manhaj des salafs face c'était quoi leur attitude face à la divergence et yani, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre on constate de plus en plus que le manhaj des salafs il était clair en fait et c'est toujours de ramener les gens aux preuves du Coran et de la Sunna et de chercher la vérité dans les paroles qui sont divergentes et en particulier bien entendu à la base c'est surtout dans les questions qui sont dans les fondements et dans les questions de l'aqidah. Maintenant dans les autres questions qui ont rapport avec les questions d'ijtihad il faut aussi chercher la vérité dans ces questions là et ça ne veut pas dire que c'est des questions d'ijtihad ou que c'est des questions de fiqh, qu'on ne doit pas faire d'efforts pour essayer de trouver la vérité dans ces divergences-là aussi. Bien entendu, il faut chercher la vérité dans toute forme de divergence. Le cheikh, il mentionne maintenant dans le point où on est arrivé, il parle d'une citation, d'une parole, qui est la parole d'Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz. Et c'est une parole qui est utilisée parfois de la part des gens de bid'a ou bien des gens qui cherchent à suivre leurs opinions qui sont en contradiction avec les preuves. Ils utilisent cette citation-là parfois, mais bien entendu en dehors de son contexte. Donc on va lire cette citation-là ensemble, puis on va voir ce que des shuyukh et des ulama de l'islam ont dit au sujet de cette citation-là. Puis ensuite on va passer à l'autre chapitre, inshallah. Donc le cheikh dit wa qawlu Omar ibn Abdul Aziz wa mahalluhu, c'est-à-dire la parole de Omar ibn Aziz est yani, dans quel contexte elle est dite et qu'est-ce qu'elle signifie dans ce contexte-là. Qala Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ma uhibbu an ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yakhtalifu لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وأئمة وكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. Si on traduit cette parole de Omar ibn Abdul Aziz qui est rapportée selon Ibn Wahb, selon Nafi' ibn Abi Nu'aym, selon Abdurrahman ibn al-Qasim, selon son père, qu'il a dit لقد أعجبني قول عمر ibn Abdul Aziz رضي الله عنه et فذكره. Donc ça, c'est des citations qui sont mentionnées dans Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, et c'est des paroles rapportées selon le père de Abdurrahman ibn al-Qasim, qui a dit qu'il a aimé les paroles de Omar ibn Abdulaziz, et puis il a mentionné cette parole-là qui signifie yani, j'aurais pas aimé que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'auraient pas eu de divergence. Il n'aurait pas aimé qu'il n'y aurait pas eu de divergence entre les sahaba. Parce que s'il n'y avait qu'une seule parole, les gens auraient été dans une situation étroite. Ils auraient été très limités dans une fidir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est étroit, qui est restreint. وَإِنَّهُمْ أَئِمَّا يُقْتَدَى بِهِمْ. Ce sont des imams et on doit suivre leur exemple. On doit suivre leur exemple et on doit les prendre comme des exemples. وَلَوْ أَخَذَ رَجُلٌ بِقَوْلِ أَحَدِهِمْ كَانَ فِي سَعَةٍ. Il dit, si quelqu'un prend une de leurs positions, ou la position d'un d'entre eux, alors il est dans as-sa'a, ça veut dire quelque chose qui est large, qui est qui a de l'espace, quelque chose qui est spacieux ou large, qui est plus, c'est-à-dire il aurait plus de liberté dans ses choix. Donc comment on peut comprendre cette citation là et c'est quoi les détails au sujet de cette parole? Le cheikh il dit وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهِ. On peut le clarifier ou parler de cette citation là et l'expliquer de différents points de vue. Premièrement, أولا, هذا الكلام في اختلاف الصحابة وليس فيهم من ينتحل بدعة مضلة أو شبهة مفسدة فلا يجوز أن يحمل هذا الكلام على توسيعة الخلاف في من بعد الصحابة. Premièrement, cette parole, elle est au sujet des divergences qui sont arrivées entre les Sahaba, les divergences des Sahaba. Et il n'y a aucun d'entre eux qui avait pris ou suivi une bid'a d'égarement ou qui suivait une shubha qui amenait à une corruption ou à une déformation de la réalité. Donc il n'est pas permis de prendre la parole de Omar ibn al-Aziz dans le sens des divergences qui seraient larges, des divergences qui sont arrivées après les sahaba. Parce que les divergences qui sont arrivées après les Sahaba sont des divergences d'une autre catégorie. Et les divergences entre les Sahaba sont des divergences d'une catégorie bien spécifique qui n'implique pas des innovations ou des formes de corruption ou d'égarement dans la religion. Mais c'est souvent basé sur des divergences dans la compréhension ou des divergences basées sur la limite de la connaissance de certains d'entre eux. Et on va voir le reste des clarifications dans les autres points. Thaniyan, hamala a'immatul huda qawluhu hadha ala masa'il al-ijtihad khassatan. Li'ann al-masa'il al-mansusa min al-kitab wa as-sunnah la khiyara li ahadin fi al-'udul 'anha. Qala Abu Umar ibn Abd al-Barr, hadha fima kana tariquhu al-ijtihad. Donc, le cheikh, il dit comme deuxième point, on doit prendre la parole qui a été dit à ce sujet-là, dans le sens que ce sont dans les questions d'ijtihad en particulier. C'est-à-dire, les imams de l'islam qui étaient sur la guidance, ils ont compris la parole de Omar ibn Abdul Aziz, comme s'il parlait en particulier des divergences dans les questions d'ijtihad. Comme le cheikh il a dit, حَمَلَ أَئِمَّةُ الْهُدَى قَوْلَهُ هَذَا عَلَى مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ خَاصَّةً. Donc les imams de la guidance ont pris cette parole de Omar ibn Abdul Aziz comme concernant uniquement les questions d'ijtihad. Ok. Toutefois, les questions sur lesquelles il y a des textes clair et explicite du Coran et de la Sunna, on n'a pas le choix de prendre une position ou une autre. Il n'y a qu'une seule position qui est la bonne. Et donc ça c'est les clarifications à ce sujet-là. Et Abu Omar ibn Abdul Bar, dans son livre Al-Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, c'est lui qui mentionne cette citation de Omar ibn Abdul Aziz. Et puis ensuite il dit هذا فيما كان طريقه الاجتهاد. Il dit ça c'était dans les divergences qui sont arrivées entre les sahaba qui étaient le résultat d'un ijtihad, c'est-à-dire qui étaient le résultat d'un effort que quelqu'un a fait parmi les sahaba pour arriver à un jugement spécifique dans les questions d'ijtihad, dans les questions sur lesquelles il n'y a pas un texte clair et spécifique, hein, ou bien dans les questions d'ijtihad qui demandent l'utilisation d'un effort d'analogie ou des choses de ce genre, comme par exemple les questions d'héritage ou de divorce, comme on en a mentionné déjà des exemples dans les cours passés, ou des choses de ce genre-là. Donc, il y a ça. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, le volume 2, à la page 170. Il dit, قال الشاطبي رحمه الله إنا نقطع بأن الخلاف في المسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه. Donc deuxièmement, le cheikh il mentionne cette parole de l'imam al-Shatibi rahimahullah qui dit que on doit être convaincu que les divergences dans les questions des jihad qui sont arrivées sont entre les gens qui sont dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les sahaba et de ceux qui les ont suivis, il n'est pas correct de placer ces divergences-là dans les catégories il n'est pas permis de placer ces choses-là dans les catégories de choses qu'on appelle divergences. Parce que les divergences dans les questions d'ijtihad ne sont pas considérées comme étant des divergences qui amènent la division. Hein? C'est des questions d'ijtihad, et dans ces questions-là, la divergence n'est pas considérée comme étant une divergence qui amène la division entre les gens, puisque c'est des divergences qui sont basées sur des différences de jugement et de connaissances et de compréhension. D'accord? Et donc le cheikh il dit on ne fait pas rentrer, il dit بِحَيْثُ لَا يَسِحُ إِدْخَالُهُمْ فِي قِسْمِ الْمُخْتَلِفِينَ بِوَجْهِ. On n'a pas le droit de les faire rentrer dans, ou de les considérer comme étant faisant partie des divergences en tant que telles, et en particulier les divergences entre les sahaba. Troisièmement, ثالثاً كثير من العلماء لم يرتدوا قول عمر بن عبد العزيز هذا وقال ابن عبد البر وهذا مذهب ضعيف عند جماعة من أهل العلم وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر. Donc, troisièmement, c'est que cette parole de Omar ibn Abdul Aziz, l'imam Abu Omar ibn Abdul Bar, il dit dans le même livre où il cite cette parole de Omar ibn Abdul Aziz, il dit que la plupart des ulama n'ont pas agréé cette parole de Omar ibn Abdul Aziz. Et même que Ibn Abdul Bar dit par la suite que cette position-là, c'est une position qui est faible selon un groupe parmi les savants. Hein? Et la plupart des fuqaha et des gens qui analysent les questions de la sharia et tout ça, ils considèrent ça comme étant quelque chose qu'ils rejettent. وَقَدْ رَفَضَهُ أَكْثَرُ الْفُقَهَا. La plupart des fuqaha, ils ont rejeté cette idée-là ou cette position de Omar ibn Abdul Aziz au sujet de la divergence entre les sahaba. Et il dit وَقَالَ أَيْضًا فَهَذَا مَذْهَبُ مذهب القاسم ابن محمد ومن تابعه وقال به قوم أما مالك والشافعي رضي الله عنهما ومن سلك سبيلهما من أصحابهما وهو قول الليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول وعلى الصواب منها وذلك لا يعدم وإن استوت الأدلة وذلك لا يعدم فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit ici que ensuite il Omar ibn Abdul Aziz il dit Ibn Abdul Abu Omar ibn Abdul Bar il dit que ça c'est le madhhab ou c'est la position de Abu al-Qasim ibn Muhammad et ceux qui l'ont suivi. Et وقال به قوم. C'est-à-dire la position de qui est mentionnée dans la parole de Omar ibn Abdul Aziz, c'est cette position-là qui est adoptée par Al-Qasim ibn Muhammad et ceux qui l'ont suivi. Et il y a des gens qui ont pris cette position-là aussi parmi les savants. Toutefois, en ce qui concerne l'imam Malik, l'imam Shafi'i, hein, radiyallahu anhuma, et ceux qui ont suivi leur voie à ces deux-là, parmi leurs compagnons, comme par exemple l'imam Al-Layth ibn Sa'ad aussi, et l'imam Al-Awza'i aussi, et l'imam Abu Thawr, et d'autres parmi les gens de science, ils ont dit que s'il y a une divergence, et que cette divergence implique une contradiction ou une opposition, dans ce cas-là, il y a soit, dans ce cas-là, c'est soit que c'est une erreur, ou que c'est une position ou une parole correcte. Soit que c'est faux, ou soit que c'est vrai. Et l'obligation des ulama lorsqu'il y a cette divergence-là, l'obligation lorsqu'il y a ces divergences-là entre les ulama, c'est de demander la preuve du Coran et de la Sunna et de l'Ijma et du Qiyas qui est basé sur les fondements pour savoir qu'est-ce qui est correct. D'accord? Et ça, c'est pas impossible de le faire. Et si on arrive dans une situation où les preuves sont égales, alors dans ce cas-là, il est obligatoire de pencher vers qu'est-ce qui est le plus proche de ce qu'on a mentionné dans le Coran et dans la Sunna, si on n'est pas capable de clarifier, de dire clairement lequel des deux est vrai, il faut pencher vers la position qui est plus près de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Sinon, si c'est vraiment pas possible de distinguer entre les deux, il faut s'abstenir de prendre une position et il n'est pas permis de trancher entre les deux, excepté avec certitude. Et si quelqu'un est poussé ou est forcé de prendre une des deux positions, il le prend en ce qui le concerne lui-même, hein, il va prendre cette décision ou cette position-là en ce qui le concerne lui-même, et il va utiliser dans ce genre de situation-là le taqlid. Il sera permis pour lui ce qui est permis aux musulmans simples de faire en ce qui concerne le taqlid, c'est-à-dire de suivre quelqu'un d'autre qu'il respecte, hein, pour sa science et de prendre sa position. Et ça, il l'utilise parce que c'est une situation de nécessité, parce qu'il n'est pas capable de trancher avec certitude entre les deux positions. Donc, il dit que, bien entendu, il dit « وَاسْتَعْمَلَ عِنْدَ إِفْرَاطِ التَّشَابُهِ وَالتَّشَاكُلِ وَقِيَامِ الْأَدِلَّ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ بِمَا يَعْضَدُهُ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمِ » Il essaie de prendre la position qui est le plus proche de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les situations pour essayer d'être du côté qui est supporté par les preuves. Donc ça c'est pour clarifier que la parole de Omar ibn Abdul Aziz dans cette situation-là, il faut la prendre dans son contexte et il faut savoir que en premier, ça concerne en particulier les divergences entre les sahaba. Deuxièmement, c'est les questions en particulier qui ont rapport avec les questions d'ijtihad. Et troisièmement, même dans ces questions-là, ce n'est pas tous les ulama qui ont été d'accord avec cette position de Omar ibn Abdel Aziz, parce que beaucoup de ulama, même que la plupart des fuqaha, ils ont dit que même dans ces situations-là, on doit retourner au Coran et à la Sunna pour trancher et pour savoir qu'est-ce qui est correct lorsque ce sont des divergences qui impliquent une opposition ou une contradiction. Ensuite, le cheikh, il dit وفائدة النفيسة من الإمام مالك قال الإمام مالك رحمه الله ليس في اختلاف الصحابة سعة وإنما هو خطأ أو صواب. Donc là il y a une autre parole de l'imam Malik qui vient clarifier encore plus cette position des ulama, et c'est la parole suivante. قال الإمام مالك رحمه الله, elle est rapportée aussi dans Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi, volume 2 à la page 905-906. Donc il dit ليس في اختلاف الصحابة سعة إنما هو خطأ أو صواب. Il dit l'imam Malik, le contraire de ce qu'a dit Omar ibn Abdel Aziz. Imam Malik, rahimahullah, il dit il n'y a pas de liberté dans les divergences qui existent entre les sahaba. C'est soit que c'est vrai ou soit que c'est faux. Soit que c'est correct ou soit que c'est incorrect. Soit que c'est incorrect ou soit que c'est correct. Tu n'as pas le choix. Donc c'est ça ce que l'imam Malik il dit. « Laysa fi ikhtilaf al-sahaba sa'a wa innama huwa khata'un aw sawab » انتهى كلامه. هذه عبارة. Donc le cheikh il explique, il dit هذه عبارة صدرت من إمام أهل السنة في زمانه ممن تلقى العلم من التابعين الذين أخذوه عن الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عبارة إمام عالم بالأدلة الشرعية والمقاصد الكلية للشريعة ومنطوق كلام الإمام مالك هذا موافق لمفهوم كلام ابن عباس رضي الله عنهما أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا كلام الإمام مالك في بطانة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذه وهم أحسن الناس قصدا وإخلاصا وتحريا للحق الذين جعلوا الكتاب والسنة إمامهم وطلبوا الدين من قبلهما. فلم يكن أحدهم يقول حتى يقول الله ورسوله, ولم يكن فيهم من يرد النقل بعقله ولا يتعبد لله بذوقه ولا يستبد برأيه. Donc, le cheikh ici, il explique, il dit que l'imam Malik, rahimahullah, donc, il a dit cette parole, qu'il n'y a pas de choix ou de liberté dans les divergences entre les sahaba, c'est soit que c'est une erreur ou que c'est correct. Hein? Et cette expression qui vient, elle vient d'un imam parmi les imams de la sunna à son époque. C'est un des imams parmi les imams des gens de la sunna à son époque. L'imam Malik, on l'appelait imam Udar al-Hijra. Hein? Et c'était un des plus grands savants de son époque. Parmi ceux qui ont reçu cette science directement des tabi'in. Hein? Les tabi'in, c'est les élèves des sahaba. Donc, il a pris la science directement des élèves des sahaba. Et eux, les sahaba, l'ont pris directement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a pris des tabi'in, les tabi'in ont pris des sahaba et les sahaba ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a peu d'écart entre l'imam Malik et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est un grand imam parmi les imams de l'islam et il exprime cette parole. C'est une expression qui vient d'un grand savant de l'islam et un savant qui connaît les preuves de la charia et qui connaît les objectifs généraux de la charia. Et donc, cette parole de l'imam Malik, elle est en accord parfait elle est en accord avec la compréhension de la parole de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu que j'ai mentionné hier au sujet de la divergence par rapport au Hajj tamattu. Quand je disais, comme l'imam Malik il le dit, c'est exactement en accord avec les paroles de Abdullah ibn Abbas quand il disait aux gens: je crains que les pierres tombent du ciel sur vos têtes, je vous dis, le messager d'Allah a dit, et vous, vous me dites, Abu Bakr et Omar ont dit, en voulant dire que même s'il y avait des divergences entre les Sahaba, lorsqu'il y avait des divergences, ils ramenaient les divergences au Coran et à la Sunna pour trancher dans ces situations-là et dans ces questions-là. Et c'est pour ça qu'ils se réfutaient les uns les autres. Les Sahaba, ils se réfutaient les uns les autres. Ils n'acceptaient pas n'importe quelle forme de divergence ou n'importe quelle sorte de divergence. Donc, ensuite le Cheikh il dit: وهذا كلام الإمام مالك في بطانة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاميذه. Ça c'est la parole de l'imam Malik au sujet des gens qui étaient autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au sujet de ses élèves. Et ce sont les meilleures personnes, les meilleurs hommes qui avaient les meilleures intentions, les meilleurs objectifs, qui avaient le plus de sincérité, qui étaient le plus actif ou penché à vouloir connaître la vérité. Ceux qui ont placé le Coran et la Sunna en avant d'eux-mêmes et qui ont cherché la religion du Coran et de la Sunna. Ils ont pris le Coran et la Sunna comme leur guide et ils ont cherché leur religion de ces deux sources-là. Et il n'y en avait aucun d'entre eux qui disait quoi que ce soit tant que Allah et son messager ne l'ont pas dit. Et il n'y en avait aucun d'eux qui rejetait un texte ou une parole transmise d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa raison. C'est-à-dire aucun d'entre eux n'allait rejeter une preuve qui vient d'Allah et de son messager en se basant uniquement sur sa raison et sa propre intelligence. Et ils n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur leurs sensations et leurs goûts, comme les soufis par la suite. Beaucoup de soufis qui sont arrivés par la suite, ils commençaient à faire des actes et ils appelaient ces actes-là des actes d'adoration juste parce que en faisant ces actes-là, ils ont ressenti certaines sensations et ils se sont dit en eux-mêmes, étant donné qu'on ressent ces sensations-là, ça veut dire que ce sont des bonnes formes d'adoration et que c'est correct de les utiliser ou de les pratiquer. Et non. Et donc, les Sahaba, ils ne se basaient pas sur ça, sur leurs sensations et sur leurs goûts pour déterminer qu'est-ce qui était une adoration ou non. Bien entendu, ils se basaient uniquement sur les preuves de la charia pour déterminer ce qui était une adoration valable ou non. Et ils ne se basaient pas non plus sur leur raison personnelle, leur opinion personnelle. Ils ne plaçaient pas leurs opinions personnelles au devant de la révélation. Donc, si c'est le cas, si on agit de cette manière envers les divergences qui sont arrivées entre les sahaba, c'est-à-dire qu'on ne prend pas une des positions au-dessus d'une autre sans se référer à la preuve et qu'on ne choisit pas entre les divergences des sahaba. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là au sujet des divergences de ceux qui sont en dessous des sahaba, c'est-à-dire qui sont moins que les sahaba? C'est encore plus important de trancher entre leurs divergences qu'entre les divergences des sahaba C'est encore plus important de trancher entre les divergences des autres que de trancher entre les divergences qui sont arrivées entre les sahaba à leur époque. Donc ça c'est une explication à ce sujet-là. Ensuite le cheikh dit: wa hadha kalam al-imam Malik fi as-sahaba alladhina hadaru at-tanzil wa fahimu kalam ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ittala'u ala qara'in al-qadaya wa kharaja alayhi الكلام من الأسباب والمحامل التي قد لا تدرك إلا بالحضور وخصهم الله بالفهم الثاقب وحدة القرائح وحسن التصرف لما جعل فيهم من الخشية والزهد والورع إلى غير ذلك من المناقب الجليلة. Le Cheikh dit ensuite, toujours en parlant des Sahaba et de la parole de l'imam Malik, qui disait qu'on n'a pas le choix entre les divergences des Sahaba, c'est soit une erreur ou soit que c'est correct. Hein? Donc il dit ensuite, il dit, et cette parole de l'imam Malik au sujet des Sahaba, hein? Donc l'imam Malik il dit cette parole-là et il parle des Sahaba. Et qui sont les Sahaba? Ce sont ceux qui étaient présents au moment de la révélation et qui ont compris la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui ont eu connaissance des indices reliés aux différentes questions, des points qui sont reliés aux différentes questions de la religion. Man kharaja alayhi al-kalam min al-asbab, ils savent les causes qui sont reliées aux paroles qui sont sorties du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent les causes et les raisons qui ont été à l'origine des paroles qui ont été dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les événements et les situations dans lesquelles les versets et les paroles ont été dites et les versets ont été révélés. Donc, certaines de ces choses-là ne peuvent pas être sues ou ne peuvent pas être comprises ou connues excepté si on était présent. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce privilège-là en particulier de cette compréhension et nature de pouvoir trancher et de pouvoir comprendre les choses d'une façon claire. Hein, Allah leur a donné ces dons-là et aussi leur a donné également la bonne manière de gérer les choses, de bien se comporter également. Et il leur a donné une grande crainte d'Allah, une grande crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et un zuhd, c'est-à-dire ils se sont détachés volontairement des choses, des biens de la dunya. Et ils ont un war, qu'est-ce qu'on appelle un war? C'est-à-dire, ils s'écartent de tout ce qui est douteux et de tout ce qui pourrait les amener au péché. Même si ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement haram en soi, mais du fait que ça pourrait les amener à tomber dans quelque chose qui est mauvais, ils s'en écartent quand même. Il arrête de dhalika min al-manaqib al-jalila. C'est-à-dire, ils ont beaucoup d'autres traits et caractéristiques et il y a des choses qui montrent leur grandeur et leur valeur aussi, les sahaba. Donc, le cheikh il dit, قال المزني. المزني c'est un des imams également, un des savants de l'islam, qui était parmi les compagnons de l'imam Shafi'i, rahimahullah, et cette parole de المزني est mentionnée dans Al-Risala. Ça dit, وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطأ بعضهم بعضا ونظر بعضهم في أقاويل بعض ولو كان قولهم كله صوابا عندهم لما فعلوا ذلك وقيل للشافعي أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها قال نصير منها إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. Donc on voit ici un autre exemple de ce manhaj des salafs ici. Il dit que l'imam al-Muzani, il dit que lorsque les sahaba ont divergé entre eux, ils se sont corrigés les uns les autres, ils se sont réfutés les uns les autres. فَخَطَّأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, c'est-à-dire ils se disaient les uns aux autres qu'ils étaient dans l'erreur. Hein? Si un d'entre eux était dans l'erreur, ils se le disaient les uns les autres. Et les uns regardaient les paroles des autres pour les analyser et pour comprendre leurs références et leurs sources, hein, et leurs preuves. Et si toutes leurs paroles étaient valables et correctes, alors ils n'auraient pas agi entre eux de cette manière-là. C'est-à-dire, si tout ce qui sortait de leur bouche était bon et valable et correct, et qu'on devait tout le prendre, eh bien, les sahaba eux-mêmes entre eux n'auraient pas agi de cette manière. Ils ne se seraient pas réfutés les uns les autres, ils ne se seraient pas corrigés les uns les autres lorsque l'un d'entre eux faisait une erreur. Et donc ça, c'est la preuve qu'on ne doit pas nécessairement prendre tout ce qui vient, même si c'est des questions dans lesquelles il y a des divergences, il faut trancher entre ces paroles-là pour savoir laquelle est correcte et laquelle est dans l'erreur. Ensuite, il mentionne une parole de l'imam al-Shafi'i dans Ar-Risala, qui dit qu'on a demandé à l'imam al-Shafi'i, qu'est-ce que tu dis au sujet des paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils sont en divergence ou lorsqu'ils sont divisés sur une question, lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur une question. L'imam al-Shafi'i a répondu, on va prendre de ces paroles-là celle qui est en accord avec le Coran, la sunna ou l'ijma, ou qu'est-ce qui est plus correct parmi les qiyas, parmi les formes d'analogie et de jugement basées sur une analogie. Donc on voit que le manhaj ici, parmi les imams et parmi les imams des salafs, on voit que leur manhaj, lorsqu'il y a des divergences, c'est de trancher en retournant aux références et aux preuves du Coran et de la sunna pour savoir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct, et non pas d'accepter n'importe laquelle de ces paroles ou de ces positions-là. Hein? Contrairement à ce que les gens aujourd'hui, parmi les Hizbiyyins et d'autres, veulent essayer de nous faire comprendre qu'on doit s'excuser les uns les autres lorsqu'on a des divergences et pas essayer de trancher pour savoir qu'est-ce qui est la vérité. Hein? Et donc ça, c'est une erreur. Parce qu'il y en a des gens aujourd'hui qui disent « Ah, mais c'est vous, les salafis, vous voulez toujours avoir raison, vous pensez toujours que vous avez raison, que les autres ont tort, ainsi de suite. » Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris que qu'est-ce qu'on est en train de suivre, c'est exactement le manhaj que les salafs suivaient entre eux. Hein? Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont ordonné de suivre. Maintenant, on passe à un autre chapitre, un autre point que le cheikh Hamad ibn Ibrahim a mentionné dans son livre, c'est « Ma'na at-tawsi'a fil khilaf ». Qu'est-ce que signifie, quand on parlait tout à l'heure de « sa'a », hein, on a dit que c'est le contraire de « ad-diq ». « Ad-diq », c'est quelque chose qui est étroit. Hein. « Sa'a », c'est quelque chose qui est large, qui est très spacieux, qui a de l'espace. Donc, c'est-à-dire, on a le choix, on a la liberté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette soi-disant liberté dans les questions de divergence? Le cheikh dit نقل عن غير واحد من السلف وصف الخلاف بالسعة ومن جملة هؤلاء الإمام أحمد وقال شيخ الإسلام ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال أحمد سميه كتاب السعة وظن البعض أن معنى هذا الكلام أنه توسعة لأن يقول الناس بأي قول من الأقوال المختلفة وليس الأمر كما ظنوا قال إسماعيل القاضي إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي أما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا وقال أبو عمر ابن عبد البر كلام إسماعيل هذا حسن جدا. Donc le cheikh il dit ici, on a rapporté de plusieurs parmi les salafs la description du khilaf c'est-à-dire lorsqu'ils décrivaient le terme khilaf, c'est-à-dire la divergence, ils utilisaient parfois le terme sa'a, c'est-à-dire la largesse, la facilité, le choix, hein. Et parmi ces imams-là, parmi ces salafs, il y a l'imam Ahmad. Et Ibn Taymiyyah, il mentionne dans Majmu' al-Fatawa, le volume 14, à la page 159, il dit que un des hommes parmi les salafs avait écrit un livre et il l'a appelé Kitab al-Ikhtilaf, c'est-à-dire le livre de la divergence. Alors l'imam Ahmad lui a dit, appelle-le, au lieu de l'appeler Kitab al-Ikhtilaf, le livre de la divergence, appelle-le Kitab al-Sa'a, c'est-à-dire le livre de la largesse et de, disons, l'aisance et la facilité. Alors, certaines personnes ont compris, ça c'est la fin de la citation, maintenant le cheikh il l'explique, il dit, certaines personnes ont eu l'impression que cette parole signifiait que lorsqu'il y a une divergence, tout le monde a le choix de prendre une position parmi les positions de divergence. Et bien entendu, la réalité n'est pas telle qu'ils se le sont imaginés. Et le cheikh il mentionne les paroles de Ismail al-Qadi, il dit, et ça c'est rapporté dans les paroles de Jami' al-Bayan, les paroles de Ibn Abdul Barr dans Jami' al-Bayan al-Ilm wa Fadlihi, le volume 2 à la page 907. Il dit, Ismail al-Qadi, il dit que l'aisance ou la facilité dans les questions de divergence qui est arrivée entre les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est uniquement une facilité ou une aisance dans les questions d'ijtihad qui ont rapport avec les ijtihad dans les opinions. Donc ça c'est par rapport à la question de tawsi'a dans les questions d'ijtihad et de les questions qui ont rapport aux opinions et qui sont basées sur des ijtihad. Mais de penser que ça implique que les gens ont le choix dans les divergences et qu'ils peuvent prendre une position parmi les différentes positions de divergence sans que ce soit parce qu'ils croient que cette position-là est la vérité, alors dans ce cas-là, c'est non. Hein? Parce que, il dit, leur... ولكن اختلافهم يدل على انهم اجتهدوا فاختلفوا. Parce que s'il y a eu entre eux des divergences, ça indique qu'une chose, c'est qu'ils ont fait des ijtihad, ils ont fait des efforts pour atteindre la vérité, puis ils ont divergé dans leurs ijtihad. Et c'est tout ce que ça signifie. Et ça ne signifie pas que tu as le droit, toi, de prendre la position qui te plaît, ou qui fait ton affaire, ou qui satisfait tes passions, comme certaines personnes, lorsqu'il y a des divergences, essaient de le faire. Et l'imam Abu Abdul Barr, il dit, au sujet de cette citation de Ismail al-Qadi, il dit, ça c'est une parole qui est très très bien, ou qui est très très bonne. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi dans Al-Muwafaqat, le volume 4, à la page 141. Il dit, l'imam al-Shatibi, وفي هذا يقول الشاطبي رحمه الله فائدة وضع الشريعة إخراج مكلف عن داعية هواه وتخييره بين القولين نقد لذلك الأصل وهو غير جائز. Il dit, l'imam الشاطبي, un des bienfaits ou un des points bénéfique d'avoir la charia, ou pourquoi la charia a été établie, c'est pour faire sortir la personne qui a atteint l'âge de raison et qui est mukallaf, c'est-à-dire qui a atteint l'âge de responsabilité dans la charia, selon la charia, et qui a tous ses moyens, qui est raisonnable et tout, qui est musulman, croyant, celui-là, une fois qu'il est responsable, le but, pourquoi la charia a été établie pour lui, c'est de le faire sortir de suivre ses passions. C'est pour l'empêcher, en fait, de suivre ses passions. Donc, si tu dis aux gens, vous avez le choix de prendre entre deux positions et vous pouvez prendre n'importe laquelle, alors ça vient en opposition, ça vient contredire le but même pourquoi la charia a été établie. Puisque la charia est venue pour nous empêcher de suivre nos passions. Et donc, le cheikh il dit, si on donnait le choix aux gens de prendre n'importe quelle position entre deux positions, alors ça vient en opposition avec ce fondement-là. Et donc ça c'est, ce n'est pas permis. Hein? Et donc, on n'a pas le droit de dire aux gens, bon ça y est, il y a des divergences et vous prenez comme vous voulez. Des fois vous voyez ça par exemple dans les forums ou dans d'autres contextes parfois chez les hezbiyyin et tout. Ils écrivent des livres dans le fiqh ou dans d'autres sujets, dans d'autres questions, et ils mentionnent les différentes opinions des ulama sur différentes questions, et ils ne font pas de tarjih, ils ne mentionnent pas laquelle est plus proche de la vérité, plus proche des preuves, et donc ils laissent, c'est comme s'ils laissaient les gens comme ça dans l'ambiguïté et dans l'incertitude, sans leur clarifier vraiment la preuve qui est la plus correcte. Et souvent, c'est des gens qui n'ont pas de base dans les questions de la charia et tout. Et donc, on leur présente les choses comme si on était en train de leur dire, bien écoutez, voici l'imam Shafi'i ce qu'il a dit, voici ce que l'imam Abu Hanifa a dit, voici ce que l'imam Malik a dit, voici ce que l'imam Ahmad a dit. Et on leur mentionne même pas les preuves que ces imams-là ont utilisées pour arriver à leur conclusion. On fait juste leur mentionner ces différentes parole, et puis après on leur dit, ben ça c'est les divergences entre les savants, et c'est tout. Et donc là c'est comme si on était en train de dire que tout le monde pouvait choisir entre ces différentes paroles selon ses passions, selon ses désirs. Ah, moi je préfère cette parole là, je trouve que c'est plus en accord avec mes goûts, ou plus en accord avec qu'est-ce que je pense, ou en accord avec mes désirs, alors je le prends. Et puisqu'un savant l'a dit, donc ça y est, c'est correct. Hein? Un savant l'a dit avant moi, donc c'est correct. Et donc ça, c'est pas du tout correct. Parce que tu peux pas prendre une parole d'un savant alors que tu sais qu'il y a une divergence entre eux, et tu sais même pas pourquoi ils ont eu cette divergence-là et sur quoi ils ont basé leur position ou leurs opinions pour avoir cette opinion-là. Et donc, ça c'est une attitude incorrecte à avoir, et malheureusement il y en a beaucoup de gens qui agissent de cette manière-là. Et lorsque vous allez voir inshallah peut-être dans l'avenir, lorsque je vais terminer le travail que je suis en train de faire sur ces questions-là par rapport à certaines personnes qui utilisent cette méthode-là, et même vous allez voir des exemples clairs des gens qui agissent de cette manière. Ils présentent aux musulmans des questions de halal et de haram, et puis ils disent, bon voici, un savant a dit ça, un savant a dit ça, un savant a dit ça, et puis là, nous, on va voir quelle de ces positions-là est plus en accord avec nous dans notre contexte en Europe, hein, en Occident, parce qu'on veut adapter l'islam à l'Occident, donc on va voir lesquelles de ces positions-là, parmi les positions des savants, correspond le mieux à notre contexte social et à notre réalité actuelle. Donc ça, c'est une attitude qui est totalement en opposition avec le manhaj des salafs dans les questions de divergence. Ensuite, il y a la dernière citation qui est encore une parole de l'imam al-Shatibi qui dit « وَقَالَ أَيْضًا لِأَنَّ حَاصِلَ الْأَمْرُ مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ أَنَّ لِلْمُكَلَّفْ أَنْ يَفْعَلَ إِنْ شَاءَ وَأَنْ يَتْرُكَ إِنْ شَاءَ وَهُوَ عَيْنُ إِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَقَيَّدَ بِالتَّرْجِيحِ فإنه متبع للدليل فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. Le cheikh il dit dans Al-Muwafaqat, le volume 4 à la page 134, il dit que lorsque quelqu'un dit que tu peux avoir, que tu as le choix, hein, lorsque quelqu'un dit que la personne qui est mukallaf, hein, qui est responsable selon la charia, qu'il a le choix de choisir dans les divergences d'opinion l'opinion qu'il veut. S'il veut le faire, il le fait. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Hein? Il fait ce qu'il veut et il laisse ce qu'il veut. Alors si tu lui dis ça, c'est comme si en réalité tu es en train d'abandonner ou de détruire complètement sa responsabilité qu'il a de faire ce qui est obligatoire. Hein? Parce que tu lui donnes le choix de le faire ou de ne pas le faire. Tu lui donnes plein d'opinions et tu lui dis voici, un a dit tu peux le faire, un a dit tu peux pas le faire, un a dit ci, un a dit ça. Et ça amène à faire tomber complètement le taklif et la responsabilité qu'il a de se limiter à la charia. Donc, il dit contrairement, si on restreint les choses à la question du tarjih et qu'on lui demande de suivre la preuve, alors là, dans ce cas-là, il ne va pas suivre ses passions, hein, qui fait tomber la responsabilité qu'il a. Il est obligé maintenant de faire l'effort de connaître la raison et la preuve sur laquelle cette opinion qu'il va suivre est basée. D'accord? Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح. Et il y en a qui ont compris que الترجيح ça voulait dire de prendre la position qui est le plus en accord avec le contexte social dans lequel tu vis, ou bien qui est plus en accord avec ta situation. Donc par exemple, juste pour donner un exemple de ça, lorsque Tariq Ramadan par exemple parlait des questions qui ont rapport avec la musique et des choses comme ça, il disait par exemple, mais qu'est-ce qu'on veut pour nos jeunes en Occident? Est-ce qu'on veut leur dire que tout est haram, hein? Donc ça, c'est déjà de dire ça de cette manière, c'est une façon vraiment malhonnête, parce que on sait très bien que dans l'islam tout n'est pas haram, hein? Allah il a rendu des choses haram et il a rendu des choses halal, hein? Et la base en principe, c'est que les règles de la charia, c'est que les choses sont halal jusqu'à ce qu'il y ait des preuves qui viennent l'interdire. D'accord? Donc, si la musique est comme lui il dit par exemple, bon là, il faut regarder, selon le contexte social en Occident, il faut qu'il y ait des divertissements pour les jeunes. Tu peux pas dire aux jeunes, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, hein, parce que là, ils vont se sentir comme s'ils n'ont plus le droit de rien faire dans la société. Donc, il faut trouver une autre solution. Et si on utilise et on parle de la religion de cette manière, c'est comme si on était en train de dire qu'on doit faire plaisir aux jeunes. Et que la religion de l'islam s'est basée sur faire en sorte que les jeunes soient contents. Et qu'ils aient quelque chose à faire parce qu'on est dans une société non musulmane où tout est permis. Hein, parce qu'il dit ça comme argument. On est dans une société non musulmane. Dehors, tout le monde a le droit de faire tout ce qu'ils veulent. À l'école, on leur dit fais ce que tu veux, mange ce que tu veux, fais ce que tu veux. Et tout. Et quand il rentre à la maison, on lui dit ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Alors là, il va aller vers la facilité, il va aller vers ce qui est plus facile, et donc il va suivre l'opinion des koufars. Mais ça, c'est uniquement, ça va arriver uniquement si tu n'as pas donné à tes enfants une bonne éducation islamique et que tu ne leur as pas fait comprendre la sagesse et les principes de l'islam et les fondements de l'islam. Hein, parce que si tu leur éduques, tu les éduques comme il faut, ils vont pas se questionner sur comment ça se fait que les koufars, ils ont le droit de tout faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils vont comprendre que c'est basé sur le fait que ce sont des gens qui suivent leur passion et qui s'écartent de la voie de Dieu, hein, qui s'écartent des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, de clarifier aux jeunes que si quelque chose a été déclaré haram par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager, peu importe que les koufars le fassent ou qu'ils disent que c'est permis, hein, ça ne peut pas changer le verdict. Ne peut pas changer pour faire plaisir aux jeunes, ou pour faire plaisir aux vieux, ou pour faire plaisir à quiconque dans la société. L'islam, c'est l'islam. Et ça ne peut pas changer par rapport à la société ou par rapport aux gens. Bien entendu, lorsque les questions sont claires et que les textes sont clairs sur les questions. Et on en parlera des détails lorsque ce sera le temps, et de parler de ces questions-là. Toutefois, je voulais juste vous donner un exemple comment certains parlent de tarjih uniquement par rapport aux passions des gens et par rapport à ce que les jeunes veulent, soi-disant, entendre ou faire. On dit, mais il faut trouver des activités pour les jeunes, sinon ils vont s'ennuyer, sinon ils vont plus, ils vont pas vouloir pratiquer l'islam, il n'y a pas juste la prière, il n'y a pas juste ci, il n'y a pas juste ça. Et d'utiliser ça comme prétexte pour, par la suite, les pousser vers les divertissements et la musique soi-disant islamique ou des trucs de ce genre. Donc il y a ça. Ensuite le cheikh il dit as-salaf kanu yatlubuna dalail al-aqwal. Hein? Le cheikh il dit que le manhaj, parmi les exemples que les salafs suivaient, c'est qu'ils demandaient pour chaque chose qui était dite des preuves, hein? Des références et des preuves. Les salafs, ils demandaient des preuves pour quand un sahabi voyait un autre sahabi faire quelque chose qu'il ne connaissait pas ou qu'il n'avait pas entendu, il demandait à ce sahabi, est-ce que tu as une preuve du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour ce que tu dis ou pour ce que tu fais. Ça, c'était entre eux, ils utilisaient ce manhaj. C'est ça le manhaj des salafs entre eux. Et ils donnent des exemples de ça. Et il y en a plusieurs exemples que le cheikh n'a pas mentionné tous les exemples parce que c'est impossible. Il y en a trop. Mais il nous mentionne quelques exemples de ça pour nous faire comprendre. Donc il dit وَمَنْ سَبَرَ أَحْوَالَ السَّلَفِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ ثَبَتَ لَهُ بِالْيَقِينِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَطْلُبُونَ مِمَّنْ قَالَ قَوْلًا أَوْ عَمِلَ عَمَلًا أَنْ يُقِيمَ الدَّلِيلَ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ عَمَلِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُمْ لا يعذرون الناس في أقوالهم وأفعالهم ومذاهبهم إذا لم تستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو صالح سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل زاد من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له إن ابن عباس يقول غير هذا. فقال لقد لقيت ابن عباس. فقلت له أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل. Donc le cheikh il dit que celui qui suit les paroles des salafs et leur attitude et leur situation, hein, que Allah leur fasse miséricorde, il dit, il va comprendre, il va affirmer avec certitude qu'il demandait pour toute parole, hein, que quelqu'un disait ou toute action que quelqu'un faisait d'établir la preuve de ce qu'il dit ou de ce qu'il faisait dans le Coran et dans la Sunna. Il demandait une preuve du Coran et de la Sunna pour tout ce qu'il dit et pour tout ce qu'il fait. Et ça veut dire qu'il ne s'excusait pas, il n'excusait pas les gens dans leurs paroles et dans leurs actions et dans leur voix, dans leur madhhab, leur position, lorsque cette position-là n'était pas rattachée à une preuve du Coran ou de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça vient réfuter complètement cette idée qu'on s'excuse les uns les autres sur les choses dans lesquelles on n'est pas d'accord. Hein? C'est pas vrai que n'importe quel désaccord que les gens vont avoir entre eux, on va s'excuser, hein, les uns les autres. Et on doit demander la preuve à la personne qui a divergé, sur quoi il se base. Et donc le cheikh dit, qala Abu Salih a dit, j'ai entendu Abu Saïd al-Khudri, ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, j'ai entendu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui disait, quand on fait du troc, on échange un dinar pour un dinar et un dirham pour un dirham, mithlan bi mithl, c'est-à-dire on échange des pareils pour des pareils, on va pas augmenter un par rapport à l'autre, même si c'est un dirham qui est ancien, on va l'échanger avec un dinar qui est nouveau. Si c'est un dinar, on l'échange pour un dinar. On ne va pas échanger deux dinars pour un dinar parce qu'un est plus vieux ou plus nouveau que l'autre. Hein? Et donc, c'est mithl and bimithl. Et si on augmente, celui qui augmente dans son échange ou dans son troc, alors dans ce cas-là, il a fait une forme de riba. Hein? Donc, on va dire que tu as des vieilles pièces et tu veux avoir une pièce neuve. Alors, tu dis, bon, je veux une pièce neuve, et l'autre il te dit, ouais, mais donne-moi-en deux parce que la tienne elle est vieille, les tiennes sont vieilles, la mienne est neuve, donne-moi-en deux, moi je t'en donne une. Non, c'est pareil pour pareil. Hein? Même si elle est vieille, tu l'échanges un pour un. Hein? Et donc, celui qui augmente, qui donne plus pour échanger ça, il l'a fait comme une sorte de riba. Hein? Et donc, quelqu'un lui a dit, Abu Saïd al-Khudri, quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu as entendu la parole de Ibn Abbas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le contraire de toi. Il dit pas la même chose que toi. Alors, Abu Sa'id al-Khudri lui a dit, j'ai rencontré Abdullah ibn Abbas et je lui ai dit, ton opinion que tu dis, est-ce que c'est basé sur quelque chose que tu as entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé dans le livre d'Allah? Donc, il lui pose la question. Il a dit, oui, toi tu me dis qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit le contraire de moi. Moi-même, j'ai rencontré Abdullah ibn Abbas et je lui ai demandé, ta position est basée sur quoi? Est-ce qu'elle est basée sur la sunna ou le livre d'Allah? Et donc, c'est pour dire qu'il a confirmé, il est allé voir la personne qui disait cette parole pour confirmer avec lui, est-ce qu'elle dit ça de son propre opinion ou bien elle a une preuve pour ce qu'elle dit? Parce que lui, Abu Sa'id ibn al-Khudri, il a une parole directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve sa position. Ensuite, le cheikh il dit, وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قلت للشافعي ما تقول في مسألة كذا وكذا فقال فأجاب فيها فقلت من أين قلت هل فيه حديث أو كتاب قال بلى فنزع في ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc c'est rapporté dans Manaqib al-Shafi'i de l'imam Ibn Abi Hatim et dans Al-Faqih wal-Mutafaqih de l'imam de Al-Khatib al-Baghdadi que l'imam Ahmad et l'imam al-Shafi'i ont eu une discussion entre eux au sujet d'une question dans le fiqh, dans l'islam. Et donc, l'imam Ahmad a demandé, ou il a dit, j'ai dit à l'imam al-Shafi'i, qu'est-ce que tu dis au sujet de telle et telle question ou tel et tel sujet? L'imam al-Shafi'i a répondu au sujet de cette question-là. Il a expliqué sa position. Alors, l'imam Ahmad ibn Hanbal lui a dit, d'où est-ce que tu as pris cette position? Cette position que tu as, d'où est-ce que tu la tiens? Est-ce que c'est d'un hadith ou de quelque chose dans le livre d'Allah? Et l'imam al-Shafi'i a répondu, il a dit, bala, il dit, certes. Hein? Oui. Et il lui a mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Donc c'est pour dire que quand les savants étaient pas d'accord entre eux sur quelque chose, ils demandaient des preuves pour expliquer leur position, ils demandaient les références et sur quoi ils se basaient pour dire telle ou telle ou telle chose. D'accord? Contrairement aux gens d'aujourd'hui qui pensent que les savants ont sorti des lapins de leur chapeau comme des tours de magie et qu'ils disent n'importe quoi juste comme tu prends celle qui te plaît même si tu connais pas sa preuve. Non, ça c'est pas vrai. Les ulama, au contraire, ils étaient plus attachés à chercher les preuves et à se baser sur les preuves que nous. Et lorsqu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, ils se disputaient leur position et ils cherchaient à retrouver la vérité en retournant aux références et aux preuves du Coran et de la Sunna. Ils ne faisaient pas juste dire, bon, ça y est, lui, il a dit telle chose, donc, puisqu'il l'a dit, c'est un savant, donc on l'accepte. Hein? Jamais de la vie. Puisque, comme on l'a déjà dit, deux opinions contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Et il y en a des musulmans qui se basent sur les divergences comme si c'était des preuves. Hein? Ils disent par exemple, bon, tel savant il a divergé sur ça, donc ça veut dire que c'est permis de le faire. Non, c'est pas parce qu'il y a une divergence sur quelque chose que c'est une preuve que c'est permis. Et les gens qui se basent sur les divergences pour rendre quelque chose halal, ça c'est des gens qui n'ont pas de ilm et aucune compréhension de l'islam. Et ça c'est les savants qui l'ont dit. On va parler de ça maintenant. Il y a des gens, par exemple, tu leur parles des divergences, par exemple, sur les questions. Tu leur dis, par exemple, les photos, c'est haram. Et là, eux, ils viennent et ils disent, ah oui, mais il y a de la divergence là-dessus. Comme si le fait qu'il y a une divergence entre les ulama, c'était la preuve que c'était permis. Et que parce qu'il y a une divergence, on peut prendre celle qui nous plaît parmi les différentes positions des ulama. Hein? Et parfois ils vont prendre dans ces divergences là ils vont prendre une position parce qu'elle leur semble plus rationnelle ou plus raisonnable et ils mettent de côté les preuves de la révélation. Hein? Ils vont dire, ah mais oui, ça c'est plus raisonnable, ça c'est plus acceptable rationnellement, donc je le prends même si les preuves de la révélation prouvent le contraire. Si tu les prends et que tu les analyses, tu vois que les preuves sont générales et claires. Hein? Elles sont précises. Et c'est-à-dire, quand je dis qu'elles sont générales et claires, dans le sens que parfois c'est un texte qui interdit tout ce qui a rapport avec les photos en général. sans spécifier une catégorie de photos par rapport à une autre. C'est-à-dire toutes les catégories de photos sont comprises dans l'interdiction. Et il y en a d'autres qui vont dire, ah, mais non, il y a une différence. Les photos faites par une caméra, c'est pas pareil. Il y a des savants qui ont dit que c'est pas pareil. Oui, mais les textes, eux, est-ce que dans les textes, on retrouve une référence ou une preuve pour faire la distinction entre les sortes de photos? Ou bien ça vient d'un raisonnement de quelqu'un? Et quand tu regardes les photos elles-mêmes, tu vois qu'il n'y a pas de différence, que ce soit fait avec la main ou que ce soit fait avec un appareil photo. Le danger même avec l'appareil photo est plus grand que le danger de la photo faite avec la main parfois. Du fait que la photo faite avec la caméra est plus réelle. Et donc plus c'est plus dangereux de faire de la fitna avec une photo par caméra qu'une photo par la main. Et il y a beaucoup d'autres explications aussi à ce sujet-là. Donc, le cheikh, il dit maintenant « al-ihtijaj bil-ikhtilaf ». Ça, c'est les gens qui utilisent les divergences comme preuves, comme si c'était des preuves. Donc, il dit le cheikh « ihtijaj al-ba'ad bi-taswir al-madhhab al-lazi intahalahu wa in kana da'ifan bi-anna al-mas'ala mukhtalafun fiha. Wa mithlu hadha al-ihtijaj laysa bi-hujjatin shar'iyya. وهو تأصيل لم يقم عليه دليل شرعي ولا لا من كتاب ولا من سنة. قال الحافظ ابن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. وقال الخطابي ليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. وقال الشاطبي رحمه الله وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة. Okay, on va traduire cette partie. Le cheikh il dit, il y a certaines personnes qui se permettent de faire des choses dans l'islam. Yani, en se basant sur un madhhab qu'il a suivi, même si cette position qu'il suit ou ce madhhab qu'il suit est une position ou un madhhab qui est faible, il se permet de le faire juste parce que il prétend qu'il y a une divergence dans la question, à cette question-là ou sur ce sujet-là. Donc, pour lui, le fait qu'il y ait une divergence, c'est comme si c'était une preuve. Hein? Allah al-musta'an. Donc, il va dire, bon, à ce sujet-là, il y a une divergence entre les savants. Ça veut dire quoi? Même s'il y a une divergence entre les savants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il y a une divergence entre les savants, tu peux prendre la position qui te plaît, tu peux prendre la position qui est en accord avec tes désirs, tu peux choisir la position qui est en accord avec tes passions. Pas du tout. Mais d'où est-ce que ces gens-là ont trouvé cette idée? Hein? Donc ici, il dit... La question sur laquelle il y a des divergences, c'est pas une preuve. Ce genre de façon d'utiliser ces divergences-là comme une preuve, ça ne fait pas partie des preuves légales de la charia. Hein? Et c'est des gens qui ont établi ça comme des principes, mais ce principe-là n'est basé sur aucune preuve de la charia. Ni du Coran, ni de la Sunna. Et l'imam Ibn Abd al-Barr, il dit dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, le volume 2 à la page 229, la divergence n'est pas une preuve pour aucun des savants que j'ai connus parmi les fuqaha de la Umma, sauf pour ceux qui n'ont aucune compréhension, aucune connaissance, hein, la hujjata fi qawli, et qui n'ont pas de preuve dans ce qu'ils disent. Hein? La divergence n'est pas une preuve pour aucun parmi les ulama de fiqh que j'ai connu dans la Ummah, excepté pour ceux qui n'ont pas de compréhension, qui n'ont pas de connaissance et qui n'ont pas de preuve pour ce qu'ils disent. Donc ça, c'est la parole de Ibn Abd al-Barr. Hein? Regardez comment il clarifie la chose et comment il répond à ceux qui prétendent que la divergence est une preuve. Après, il y a les paroles de l'imam Al-Khattabi dans son livre A'lam al-Hadith. Il dit « ليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. » L'imam al-Khattabi, il dit la divergence n'est pas une preuve. Et la clarification de la Sunna est une preuve pour tous les gens qui sont en divergence, qu'ils soient parmi les premiers musulmans ou les derniers. La preuve de la sunna, c'est ce qui est la clarification de la sunna, c'est ce qui est la preuve au-dessus de tous les autres. Après, il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi dans une citation qui est tirée de son livre Al-Muwafaqat, le volume 4 à la page 141. Il dit قال الشاطبي رحمه الله وزاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة. Il dit l'affaire est arrivée jusqu'au point où que les gens commençaient à considérer les divergences dans différentes questions comme étant des preuves de la permissibilité. ووقع ما تقدم وتأخر من الزمان. Il dit ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم ولا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر بل في غير ذلك فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال لما تمنع والمسألة مختلف فيها فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل عليه يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وليس وما ليس بحجة حجة. Donc il dit ici l'imam al-Shatibi, il dit que l'affaire est devenue, elle a exagéré jusqu'à ce qu'elle devienne au point que les gens commencent à considérer les divergences comme étant des preuves de permissibilité de quelque chose. Et c'est arrivé dans les temps précédents et dans les temps plus par la suite, yani dans le passé comme dans le temps plus tard, yani dans les temps qui sont venus par la suite, les gens ont essayé de se baser sur les divergences entre les savants pour rendre quelque chose permis. Et il dit que peut-être que quelqu'un allait faire une fatwa sur une question pour interdire quelque chose, hein, et quelqu'un allait lui demander « Mais pourquoi tu l'interdis ?» alors que la question fait partie des choses sur lesquelles il y a de la divergence. Alors, ils font de la divergence une preuve pour rendre quelque chose permis juste parce que la question, il y a une divergence à son sujet. Non pas pour une preuve qui montre non pas en se basant sur une preuve qui montre que la position de celui qui rend la chose licite ou permise est correcte, non pas sur un taqlid de celui qui mérite plus d'être suivi que celui qui interdit, et ça c'est une erreur de faire ça dans la charia, parce que c'est comme si tu fais comme si quelque chose était un fondement sur lequel tu pouvais te reposer, alors que ce n'est pas le cas, et c'est comme si tu faisais de quelque chose une preuve, alors que ce n'est pas une preuve. Donc il y a des gens qui agissent de cette manière, comme le cheikh, l'imam al-Shatibi, il l'explique. Hein, il pense que le fait que certaines personnes aient dit par exemple que quelque chose est dans les questions de divergence, il pense que ça c'est la preuve que tu peux dire que c'est permis. Hein. Et je me souviens bien une fois, c'est arrivé dans une occasion où on était dans un restaurant en train de manger, c'est un restaurant dont le propriétaire est musulman, puis il y a un groupe de jeunes frères qui sont rentrés dans le restaurant, et ce sont tous des jeunes musulmans qui étaient venus, et ils étaient un gros groupe, comme environ 15 ou 20 personnes, et ils commençaient à faire des photos du groupe, ainsi de suite, et nous étions assis à une autre table, moi et d'autres frères, et certains frères ont dit, vous devriez aller leur donner le nasiha pour leur expliquer qu'ils ne devraient pas faire des images, des photos, et que ce n'est pas permis. Et il y a un de nous qui s'est levé parmi les frères et qui est allé parler à celui qui prenait les photos pour lui expliquer que, mon frère, tu sais, ce n'est pas permis de faire des photos. Et le frère a répondu en disant, Harry, tu sais, il y a une divergence d'opinion à ce sujet. Et le frère, il a dit, ah ok. Et dans ce cas, il est revenu s'asseoir, comme si le débat était fini. Du fait qu'on dise, par exemple, ça y est, il y a une divergence d'opinion, le débat est fini, ça veut dire que c'est permis. Hein? Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la charia. C'est pas le simple fait qu'il y ait une divergence que quelque chose est permis. Et en plus, il faut voir aussi qui est-ce qui a divergé. Est-ce que cette divergence est une divergence qui est arrivée au XXe siècle, aujourd'hui, entre des savants contemporains, ou bien c'est une divergence qui était une divergence qui existait à l'époque des Sahaba? Parce que si c'est une divergence qui existait à l'époque des Sahaba, là on peut comprendre que c'est une vraie divergence et qu'il y a eu une divergence qui était basée sur des ijtihad. Tandis que si c'est une divergence aujourd'hui que les gens ont inventée, ou que c'est des divergences qui n'ont aucune référence, eh bien là, il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose contraire à la vérité. Et si tu te bases sur le fait que quelqu'un a dit quelque chose de contraire à la vérité pour le rendre halal, alors dans ce cas-là, tu vas rendre tout ce qui est dans la charia, qui est interdit, tu vas le rendre halal. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut suivre ses passions et qui va essayer de dire que ce qui est haram est halal. Et donc tu vas prendre les divergences de n'importe qui, même parmi des exemples des gens de bid'ah, même parmi des gens d'égarement, parmi des anadiqas, des hérétiques, des gens d'autres groupes ou d'autres sectes qui se basent sur d'autres choses que sur le Coran et la Sunna pour rendre halal ou haram, alors tu vas suivre n'importe qui a dit n'importe quoi pour essayer de dire que c'est permis. Alors là, bien entendu, tu es en train de détruire la charia en entier. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah à ce sujet. Dit قال ابن تيميه في مجموع الفتاوى le volume 26 à la page 202 et 203. Ibn Taymiyyah dit وليس لاحد ان يحتج بقول احد في مسائل النزاع وانما الحجه النص والاجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. Ça c'est une parole qui devait être écrite en or de l'imam Ibn Taymiyyah. Ici il dit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, personne ne peut disputer ou utiliser comme preuve dans les questions de divergence la parole d'un parmi les savants. Lorsqu'il y a des questions de divergence, quelqu'un ne peut pas utiliser la parole d'un savant contre la parole d'un autre savant. Parce qu'on ne va pas se débattre entre nous en utilisant les paroles des savants, puisque ce n'est pas ça la référence dans l'islam. Il y a des gens, des fois, c'est ça malheureusement, tu retrouves surtout dans les forums et tout, quelqu'un va mettre une fatwa d'un cheikh qui dit que quelque chose est permis. Et l'autre, il répond par les paroles d'un autre cheikh qui dit le contraire. Comme si la parole d'un cheikh était une preuve contre la parole d'un autre cheikh. Alors que notre religion, elle n'est pas basée sur les paroles des gens. Elle est basée sur la révélation et sur la preuve. Les preuves du Coran ou de la Sunna ou de l'Ijma ou bien d'un qiyas qui est basé sur quelque chose qui est tiré des textes de la charia. Hein? Mais de prendre des paroles d'une personne comme si c'était une preuve, hein, un tel cheikh a dit ça, et l'autre il lui répond, ouais mais l'autre cheikh a dit ça, donc mon cheikh écrase ton cheikh. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que ce soit basé sur des références et sur des fondements et sur des preuves de la charia, et non pas sur des paroles des ulama. Et le cheikh, c'est ça qu'il explique ici. Lorsqu'il y a une divergence entre les ulama, la parole d'un alim n'est pas une preuve contre un autre alim, mais la preuve c'est uniquement un os. Et un nas, c'est quoi? C'est soit un texte clair et explicite du Coran, ou de la Sunna authentique, ou de l'Ijma, ou une preuve qui a été extraite d'une analogie qui est basée sur les bases des preuves de la Sharia, du Coran et de la Sunna. Et non pas les preuves des savants les uns contre les autres. Là, biaqwal ba'd al-ulama, on ne peut pas se baser dans les questions de divergence sur les paroles d'un alim au-dessus d'un autre. Pourquoi la parole d'un savant devait être plus vraie que la parole d'un autre savant? Hein? Ou pourquoi on devrait accepter les paroles d'un cheikh plus que la parole d'un autre cheikh? C'est quoi la référence? Donc c'est pas les paroles des chouyours, c'est pas qu'un tel cheikh a dit, un tel cheikh a dit que c'est ça la preuve. Non, c'est pas ça la preuve. La preuve c'est sur quoi le cheikh s'est basé pour dire qu'est-ce qu'il a dit, et sur quoi s'est basé l'autre cheikh pour dire ce qu'il a dit. Une fois qu'on a compris ça, là après par la suite on peut analyser la preuve que le cheikh a utilisée et la preuve que l'autre cheikh a utilisée et voir lequel des deux est plus proche de la vérité par rapport à ces preuves qu'il a mentionnées. Et non pas par rapport à la parole elle-même. Hein? Donc c'est dans les questions, par exemple, de manifestation, ou dans les questions, par exemple, d'autres questions, par exemple, de ces questions-là. Il y en a des frères salafis, ils vont aller dans un forum, ils vont mettre la fatwa d'un alim qui dit, par exemple, telle chose est permise parce que voici ce que tel cheikh il dit. Déjà en partant, il y a une chose qu'on doit savoir. Que si c'est des forums, des gens de bid'ah, déjà à la base, ça sert à rien de perdre son temps à aller dans ces débats-là, puisque ces gens-là, c'est des gens qui ne veulent pas accepter la vérité. La meilleure chose à faire, c'est que les gens vont faire leur propre site salafi, hein, s'ils sont des gens qui ont une bonne base dans l'ilm et dans la science et qui sont capables de tenir un site comme il faut, ils vont faire un site où ils vont mettre les références et les preuves et les explications des ulama. Ceux qui veulent trouver la vérité vont venir dans ce site-là où il n'y a que les choses qui sont basées sur les bases qui sont correctes et qui sont bonnes et qui sont vraies. Hein? Et ceux qui veulent mélanger le vrai et le faux, ça va confondre les gens. Les gens vont être mélangés par la suite. Donc, déjà en partant, éliminer cette idée-là de vouloir entrer dans les débats, dans les forums des gens de bid'ah, puisque eux, ces gens-là, ils ne veulent que mélanger les gens. Mais, le point, qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que d'utiliser les paroles contre une autre parole d'un autre cheikh, c'est pas quelque chose qui est une preuve dans la charia. C'est-à-dire, il faut mentionner la preuve de ce cheikh. C'était quoi sa référence? C'était quoi sa preuve? C'était quoi son argument? Sur quoi ce raisonnement-là était fondé? Sur quoi cet argument-là était basé? Les ulama qui ont interdit les manifestations, ils ont mentionné des preuves de la charia pour l'interdire. C'est basé sur les fondements de notre manhaj, qui sont basés sur des preuves dans le Coran, dans la sunna. Hein? Et tout ça, de tout ça, ça découle le reste de tout ce qu'on suit comme manhaj par la suite. Hein? Mais ceux qui disent que c'est permis, regardez leur manhaj et d'où est-ce qu'ils sortent leur position, c'est quoi leur fondement, et vous allez comprendre pourquoi ils le permettent par la suite, et vous allez comprendre la source et la base de leur erreur, pourquoi ils sont arrivés à la mauvaise conclusion de dire que c'est permis de le faire, parce que leur base en partant n'est pas le fondement, leur principe n'est pas basé sur le manhaj des salafs, n'est pas basé sur le fait de s'accrocher et de suivre fermement le Coran et la Sunna selon la compréhension des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis. Hein? Ceux qui permettent par exemple de renverser les gouvernements ou de faire des coups d'état ou de se rebeller contre les dirigeants qui sont injustes ou des choses de ce genre, on ne peut pas s'étonner d'eux qu'ils vont permettre des choses pareilles. Puisque déjà en partant, ils ont établi des jama'at et des groupes pour opposer leur gouvernement et leur politique. Donc s'ils ont contredit à la base le manhaj des salafs, qui est basé sur les preuves du Coran et de la Sunna, comment vous pensez par la suite qu'ils vont faire une fatwa pour interdire quelque chose, alors que c'est la base de leur manhaj? Hein? Donc les gens d'aujourd'hui ne retournent pas aux fondements et aux bases sur lesquelles les gens utilisent pour faire leur fatwa. Ils regardent juste les paroles comme si c'était des paroles qui sortaient de nulle part ou qui n'avaient pas de précédent, qui n'avaient pas de fondement. Hein? Et ça c'est l'erreur. Donc il faut regarder le texte, les textes. La preuve c'est quoi? C'est les textes du Coran et de la Sunna, l'ijma ou une istinbat qui est tirée des bases de la charia, c'est-à-dire des bases des preuves de la charia du Coran et de la Sunna, non pas qui est basé sur les paroles des ulama ou de certains ulama, parce que il dit, et ça c'est la phrase, vraiment une phrase clé dans cette parole là fa in aqwal al ulama yuhtaj laha bil adilla al shar'iyya wa la yuhtaj biha ala al adilla al shar'iyya, c'est-à-dire que les paroles des ulama, c'est elles qui sont en besoin C'est-à-dire, les paroles des ulama, c'est elles qui ont besoin de preuves de la charia. C'est pas les preuves de la charia qui ont besoin des paroles des ulama. D'accord? Donc, on ne se base pas sur les paroles des ulama pour les mettre par-dessus les textes de la charia. C'est les textes qui sont la base. Hein? Donc, les paroles des ulama doivent être supportées par des textes. Et ce n'est pas les textes qui doivent être supportés par des paroles des ulama. Et ça, c'est ce que les gens de bid'a, souvent, ils ne comprennent pas. Eux, ils inventent des bid'a, et puis après, ils demandent aux gens de Ahl-Sunnah de montrer des preuves des savants qui l'ont interdit. Il y a une parole, justement, dans un autre livre que je voudrais vous lire à ce sujet-là, puis on va terminer le cours d'aujourd'hui avec ça. C'est vraiment une parole qui m'a vraiment intéressé quand je l'ai lue. C'est une parole du Cheikh Abdullah ibn Sulayman ibn Munir, un des grands ulama qui est un juge en Arabie Saoudite, qui fait partie des grands ulama de l'Arabie Saoudite. Il a écrit un livre pour répondre à un soufi qui s'appelait Al-Maliki. Il dit, le livre ça s'appelle « Hiwarun ma' al-Maliki fi radd munkaratihi wa dalalatihi ». Et il le réfute au sujet en particulier de Al-Mawlid al-Nabawi. Donc je vais juste vous lire une parole ou bien un passage de ce livre-là. Donc à la page 90 de son livre, il dit « Naqulu lil Maliki » من هم العلماء المسلمون الذين يستحسنون المولد هل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا لا هل هم التابعون قطعا لا هل هم تابع التابعين قطعا لا هل هم من العلماء المسلمين من يقيم المولد من أهل القرون الثلاثة المفضلة قطعا لا من علماء المسلمين الذين يستحسنون الموالد هل هم أهل الحديث والشراحه أمثال البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود والبيهقي والطبراني وغيرهم من أئمة الحديث ورجاله من عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذروا أنفسهم لخدمتها والتبصير بها ورد ما ليس منها مما يراد أن يكون منها قطعا لا هل هم أئمة الفقهاء أمثال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم والأوزاعي والثوري وغيرهم من فقهاء الأمة وعلمائها قطعا لا هل هم علماء التفسير أمثال ابن كثير وابن جرير والبغوي والقرطبي وابن العربي وغيرهم قطعا لا donc c'est pour dire il dit parce que Al-Qurtubi, Al-Maliki, le soufi, qui dit que c'est permis de faire les mawalid, de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ça a été accepté par les ulama dans plusieurs pays. Donc, l'imam, le cheikh Ibn Munir, il lui dit, on demande à Al-Maliki, qui sont les ulama parmi les ulama et les musulmans qui ont accepté ou qui ont aimé cette bid'a, qui ont dit que c'était bon. Est-ce que ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certes non. Est-ce que ce sont les tabi'oun, ceux qui ont étudié avec les sahaba? Certes non. Est-ce que ce sont les élèves des tabi'in, ceux qui ont étudié avec les tabi'in? Certes non. Est-ce que ce sont les ulama des trois premières générations qui ont établi le mawlid? Certes non. Est-ce que ce sont les ulama des musulmans, il dit qui sont les ulama donc qui ont trouvé que le mawlid était quelque chose de bien ou de bon? Est-ce que ce sont les savants de hadith parmi les gens de Ahlul Hadith et ceux qui ont expliqué la sunna, comme par exemple l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, l'imam al-Nasai, l'imam Ahmad, l'imam ibn Majah, l'imam al-Tirmidhi, l'imam Abu Daoud, l'imam al-Bayhaqi, l'imam al-Tabarani ou d'autres parmi les imams de hadith et les hommes qui ont transmis la hadith et qui ont connu la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui se sont sacrifiés pour servir cette sunna et pour faire comprendre aux gens cette sunna et pour purifier et rejeter tout ce qui ne faisait pas partie de cette sunna? Certes, ce ne sont pas eux non plus. Est-ce que ce sont les imams parmi les fuqaha comme Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmad, Ibn Hazm, Al-Awza'i, Al-Thawri et d'autres parmi les fuqaha et les ulama de la Ummah? Est-ce que ce sont les imams parmi les imams de tafsir comme Ibn Jarir, Ibn Kathir, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, Ibn Al-Arabi et d'autres? Certes non. Donc tous ces, dans tous ces siècles-là et tous ces savants-là, aucun d'entre eux ne faisait partie du groupe des Ikhwan al-Muslimin. Aucun d'entre eux ne faisait partie de Jama'at Tablir. Aucun parmi eux ne suivait les bid'a que ces gens-là suivent. Aucun d'entre eux n'était soufi. Aucun d'entre eux n'était Naqshbandi ou Tijani. Aucun d'entre eux ne faisait partie des groupes de Khawarij. Aucun d'entre eux ne faisait partie des groupes des autres groupes de bid'a qui existent maintenant, des Asha'ira et des autres groupes parmi les groupes des Garments. Donc c'est pour dire que tous ces groupes-là sont arrivés par la suite et ils ont inventé des choses qui ne faisaient pas partie de l'islam à l'époque des Sahaba et des trois premiers siècles, hein, parmi les gens qui ont suivi la guidance. Et donc, ces savants-là, ils se basent sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et tout ce qui est en contradiction avec les fondements, eh bien, on doit les rejeter. Et les preuves, c'est les preuves qui sont ramenées dans la charia. C'est les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna. Les paroles des gens, si quelqu'un, par exemple, dit, ah, mais il y a un savant, par exemple, qui est né en l'an 900 Hijri, et il a dit que le maulid, c'était quelque chose de bien. Est-ce que ça veut dire que c'est une preuve qu'on a le droit de le faire? Bien sûr que non. Puisque notre référence, c'est pas les paroles des ulama. Les paroles des ulama, si elles ne sont pas supportées par des preuves du Coran et de la Sunna, elles ne sont pas valables. Elles ne sont pas considérées. On ne doit pas les suivre tant qu'elles ne sont pas supportées par des preuves et des références. D'accord? Donc nous, aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'arrêter ici à ce point-là et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Demain, on a le cours sur les fondements de l'usul al-iman, les fondements de la foi, ou les arcan al-iman, sharh de hadith Jibril. Donc, on va se retrouver demain. Il y a un cours sur les repères de la sunna. Hein, le frère Ammar de Médine, il m'a mis un message pour dire qu'à 20h en France, il y a un cours sur les repères de la sunna. Donc, je vous conseille d'assister, Inch'Allah, ça sera bénéfique. Et puis, on se retrouve donc, Inch'Allah, la semaine prochaine. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Et je passe le salam aussi au frère Ammar de Médine et à tous les frères qui ne sont pas dans la salle maintenant. Transmettez-leur mon salam de ma part. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.